des big bisous. À recevoir, c'est magnifique, mais en donner, c'est fantastique. Chaque bisou a sa particularité qui vont avec ta personnalité. Moi, je les aime bien mielleux. Moi, je préfère en avoir deux. Que serait la vie sans bisous? Tout serait sans dessus dessous. Imaginez-vous un monde sans câlin, un monde sans amour, un monde sans rien. Il vaut mieux ne pas y penser. Non, non.